l'agonie, chapitre 11. Le rêve fou d'Attilius, le concept religieux de la pierre noire, substitué au dieu peuplant le ciel des races, avait pris corps depuis qu'Elagabalus fit primer Sergius, ce maître de Madée, ce frère d'Attilia. Le culte de la vie par l'adoration du cône noir, le mélange des sexes et, qui pisait, la promiscuité unisexuelle, eut son formulaire à la suite d'entretiens mystérieux d'Attilius et d'Elagabalus en une pièce du palais des Césars, où maintenant le primicérius habitait avec son affranchi afin d'être à même au service de l'empereur. Et de ces entretiens, on parlait avec une sorte de terreur, car on entrevoyait par eux une refonte générale des religions de l'Empire, une déification définitive de la pierre noire dont on s'épeurait tant, enfin le triomphe honteux de l'Orient sur l'Occident, par des pratiques contraires à l'immutabilité des lois de la vie, maintenant détournées de sa destination. Aussi Attilius stupéfiait-il Rome, et non seulement Rome, mais encore ceux-là grouillant dans le palais, que hantaient leurs toges et leurs palliums blancs ou pourpres, leurs vêtements amples dominés de coiffures en cône, de mitras torsionnés de perles, et d'où des apparitions d'hommes, glissant en des remuements de croupes significatifs, se suivaient à certaines heures. Ils se supériorisaient à tous, ils les étonnaient tous, par l'immobilité de ses lèvres et l'indifférence de ses yeux, alors que quelque chose disait qu'une âme intense brûlait en lui. Surtout par sa pâle figure de 30 années, à peine toisonnée d'une barbe court pointue aux reflets d'or fauve, où se plaquait l'égoïsme d'un grand amour qu'on ne savait être ou tout pour Madée, dont l'ombre gracile toujours pointait derrière lui, ou en partie pour l'humanité qu'il voulait refaire en sa sexualité. Celle-là dont également l'on s'entretenait était Sémias, la mère d'Elagabalus, la grande, belle, blanche mais fébrile maîtresse d'Empire, tranchant haut avec les eunuques et les cochers du fils, avec ses consuls, ses tribuns, ses patriciens, ses préfets et ses généraux. Quand elle traversait les salles impériales, les beaux vestibules entourés de colonnades, les cubiculats recevant des jours venus de loin, les atriums successifs, les jardins reposant des lignes d'arbres immobilisés sous le ciel latin pur, introublé, bleu et profond, quand, en un entourage de femmes tapissant les fonds d'appartements de stola lâches, violettes et bleuâtres, elle faisait se lever des théories de gladiateurs et de prétoriens, c'était comme le passage d'une terreur planant. On se reculait et s'agenouillait. Et l'ancestralité violemment amoureuse de cette mère, cette ancestralité qui, de crime, avait accablé le monde, maintenant percée, rouge fleur aux pétales de sang, en aventure frénétique, en débordement névrotique, comme si le rite de la vie par l'adoration de la pierre noire et le principe même de la religion nouvelle par la liberté des sexes eussent eu pour prêtresse Sémias, insatiable de plaisir et ivre de domination. On parlait de ses disparitions subites avec ses femmes, et même de lugubres trouvailles de certains, ramassées à des coins de rue ignorés et assommées par elle, après à elle s'être livrées. Un jour, Attilius enfermé avec l'empereur, que Madée attendait en un péristyle, au candélabre monstrueux, fiché sur des pieds d'Atlantes en argent massif, où un jeune affranchi, Beau, certes, Hiéroclès jouait aux ocellés avec Protogénès et Gordius, des cochers. Une vieille femme noire, une éthiopienne, lui prit la main et l'emmena, à travers des pièces bleutées de jour, jusqu'à une cubicula du gynécée, inaccessible aux hommes dont le sexe n'était pas voué à la passion mâle comme le sien. Sur une cella d'écaille, assise, une jeune fille se faisait peigner et farder. Attilia. Madée eut un petit tremblement, venu du plus profond de sa physiologie. Une esclave, Ornatrix, trempait ses cheveux épais en une essence jaune comme en un bain de safran. Une autre promenait sur sa face une pâte rosée qui l'animait telle qu'une aube naissante. Une troisième lui présentait un miroir d'acier, à manches de Vénus nue dont les jambes s'allongeaient en des acanthes palmées. Sur un meuble bas, supporté par un trapézoforum à coups d'animaux, des fioles bleues de pommade, des boîtes de poudre d'or et d'argent répandues sur la chevelure, des rubans pourpres et violets, un arsenal d'armes de femmes, fer, ciseaux, peigne, pyxis, alabaster, s'initiant à la volupté. Une portière entr'ouverte laissait voir, en un fond d'appartement traversé d'un demi-jour, une baignoire de marbre où nageait une eau laiteuse en buée. Il ne savait que dire, attendant qu'elle lui parlât. Attilia le regardait d'un grand air effronté, et l'éclair violet de ses yeux avait une inconscience muette de jeune bête montrant son sexe au mâle flairant. Depuis l'entrevue dans la tente des Lagabalus, elle lui paraissait mieux faite, plus grande et mince, avec un cercle noirâtre au coin des yeux, là où le nez, fin, vibrant, aux ailes roses, prenait racine. Sous le phare, très onctueusement plaqué, il lui devinait la même pâleur qu'à Attilius. Et déjà des méplats se creusaient dans la fosse des joues, marquant ainsi l'émergence d'une mobilité travaillant en dessous. « Je t'ai fait venir pour que tu me voies, » assura-t-elle, en lui plantant droit son regard. Elle lui trouvait un air agréable, un peu féminisé, une belle nonchalance orientale qui allait à ravir avec sa mitra jaune et blanche, dont la lueur des améthystes se mourait, avec ses torques, les bordures en filigranes ajourées de sa robe aux manches amples et surtout la souplesse ophidienne, si singulière, de sa marche, presque dansante, le mouvement de sa croupe moins accusé que celui des autres prêtres du soleil, mais assez distinct pour éveiller d'étranges attentions. Elle lui rit doucement, découvrant des dents bien rangées, une ouverture de bouche rose en fleurs à peine éclosantes. Elle agissait ainsi comme avec un enfant, duquel on n'a pas à se cacher. La coiffeuse relevait en casque les cheveux qui prenaient des tons de cuivre jaune, des reflets d'or mat, et en couronnait le sommet, strobilé, d'une torsade de perles. La fardeuse promenait sur ses bras, nue jusqu'aux épaules, une pierre ponce bonne pour blanchir la peau et en détruire les villosités tendres. Puis la troisième esclave accrochait à ses oreilles des ornements d'or, très lourds, ou des sardoines entourées de gros diamants éclairants. Attilia se leva, et, pendant que les femmes lui apportaient une cyclase violette bordée de bandes pourpres, elle laissa couler ses vêtements de dessous. Il vit sa nudité de la gorge aux pieds. Elle n'en parut pas honteuse. Les femmes la chaussèrent ensuite. Elle se complaisait dans certains mouvements des seins naissants que la ceinture faisait bouffer, dans certaines lenteurs à se tourner qui faisaient remuer doucement son ventre en une ardeur peu dissimulée de chair. Elle le renvoya ensuite, avec un grand éclat de rire qui ne l'offensa nullement. Ce rire chantait en lui depuis comme le frétillement très clair d'un sistre d'or. C'était tout ce qu'il avait conservé du souvenir de l'invite d'Attilia.